rap délicat et délicieux. Des lignes de démence, un rap délirant et malicieux. J'ai des limites à franchir, des libertés à prendre, des livres à lire et des lots de wak à pendre. Trop de glace à fendre, mec, j'ai trop de phases à vendre. J'ai passé trop d'années de moi, trop d'heures à attendre. Et yo, je rage d'apprendre les pièges que tous les états tendent. Ceux qui les dirigent ont beaucoup trop de claques à prendre. Ce n'est qu'un exercice de style. Appelle-moi Jim, Steam, tellement les choses se passent à fond. Sois pas hostile si ta tête oscille quand ta radio crache mon son. Je veux de l'ego trip, je vais t'en donner. Je rappe mieux que ces faux types prêchant la monnaie. Je suis plus barge que toi et pourtant plus sage que toi. Parce que j'ai lu et gratté plus de pages que toi. J'ai plus d'âge que toi, dégage et tais-toi. J'ai plus la rage que toi, tu peux me casser les doigts. Je continuerai à penser mes lyrics tranchant comme un scié pendant que tu navigues entre trop chiant et trop pas chier. Gros va chier, fais ça pour moi. Arrête tout, ceux qui veulent me couper la parole finissent par être sourds. Car je manie le microphone avec dextérité. J'ai décidé de m'exprimer au risque de paraître fou. Y'a des tonnes de gars qui galopent après le beat et galèrent. Ne font pas le nécessaire et pourtant convoitent mes galons. Mais gros, c'est des gamins, c'est des guetins. Y'a des calottes qui se perdent, mais bon, je les déboîte. Donc parlons, parlons peu, parlons bien, parlons de ce qui fâche. Ce qui se passe au fond des yeux de ces pleureuses qui se cachent. Ces campeurs à call-off font trop peur du call-out. Des connards, même sous call-out, je suis trop down et puis je please clash, pistache comme une blague de gosse. D'une main j'élimine quelques wacks, de l'autre je plaque le boss. Me parle pas, tu capes pas, je suis rapta, mon faux te frappe pas. Non, il te palpe l'os et quand j'arrive les gens me disent qu'on sniffe danger pour les autres M6. Mais je suis pas là pour déranger, moi je vis ma ivre, mon film un bon spliff de Ganji. Y'a les petits qui suivent et ceux qui kiffent que le système veuille les manger. Yes. Peace out, guys. See you, hear you. Think to smile a lot. It's important in the life because nobody will do it for you. I'll catch you on the flip side. I'll catch you on the flip side. Thank you. Thank you.

Thank you.